Chapitre 4. En rentrant d'Elbeuf à Paris, Adeline avait tout de suite visité quelques-uns de ceux qui autrefois lui avaient proposé des affaires. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on s'improvise faiseur, surtout si l'on entend se réserver la liberté de choisir. Naguère, on était venu le chercher, le prier. Quant à son tour, il s'était offert, on l'avait écouté avec une certaine défiance. Que signifiait ce changement? Il n'était donc plus l'homme qu'on avait cru? Alors, l'occasion manquée, il fallait laisser au temps d'en amener de nouvelles et les attendre. Cela était trop conforme à la logique des choses pour qu'Adeline s'en étonnât. Il n'avait jamais eu la naïveté de s'imaginer qu'il n'aurait qu'à se présenter pour que toutes les portes s'ouvrissent devant lui et pour que ceux qui étaient à table fussent heureux de lui faire sa part au gâteau. Ce n'était pas à date fixe que devait se faire le mariage de Berthe, et quelques mois, quelques semaines de plus ou de moins, n'avaient pas d'importance. Le mot du père Eck, qu'il ne se rappelait qu'en riant, était là pour le rassurer. « J'ai été fiancé avec ma femme pendant 4 ans, et quand nous nous sommes mariés, j'aurais bien attendu encore. » Les 50 000 francs du vicomte l'avaient débarrassé des échéances pressantes qui menaçaient sa maison. Avant qu'il en revînt d'autres, il avait le temps de se retourner, et d'ici là, la probabilité était, et même la certitude, pour que l'affaire bouteillée s'arrangeât. Alors il rembourserait ses 50 000 francs, car le paiement d'une dette de cette espèce ne devait pas traîner. Assurément, cet argent ne lui pesait pas, tant il avait été galamment offert. Mais cependant, par une bizarrerie d'impression qu'il ne s'expliquait pas lui-même, il éprouverait du soulagement à ne plus le devoir. Malheureusement, de ce côté, les choses ne marchèrent point comme il l'avait espéré. L'affaire bouteillée ne s'arrangea pas, tout au contraire, et après plusieurs réunions qui se succédèrent de plus en plus orageuses, la faillite fut prononcée à la requête de quelques créanciers que le luxe des bouteillers avait trop longtemps humiliés. Le coup avait été cruel pour Adeline, qui mieux que personne connaissait la procédure des faillites. De combien serait le premier dividende, et quand le toucherait-on? Il fallait donc se retourner d'un autre côté, ce qui, dans sa position, était difficile, car bien que le vicomte n'eût jamais fait la plus légère allusion à son prêt, il était évident que ce prêt ne pouvait pas être considéré comme un placement à échéance plus ou moins longue, dans lequel le créancier, aussi bien que le débiteur, trouve un égal intérêt. C'était un service rendu, et rien que cela. Comme il se demandait par quels moyens il sortirait à bref délai de cet embarras, il crut remarquer que le vicomte était moins à l'aise avec lui, moins libre, moins gai, moins ouvert. La cause de ce changement n'était que trop facile à deviner. Il s'étonnait de n'être pas encore remboursé, et il s'en fâchait. Quand on a tout jeune lutté contre la misère, on a appris à ne pas s'inquiéter des dettes et à manœuvrer avec les créanciers de façon à les payer quand l'argent manque, en bonnes paroles qui les font patienter. Mais ce n'était pas le cas d'Adeline, qui, entrée dans la vie avec de la fortune, était arrivée à près de 50 ans sans devoir un sou à personne. Si le vicomte était gêné avec lui, de son côté, il était confus avec le vicomte, ne sachant quelle contenance tenir, ne trouvant pas un mot à dire, honteux de son silence même. N'aurait-il donc pas la force d'aborder nettement la question et de s'expliquer franchement? Ne croyez pas que je vous oublie, seulement les rentrées sur lesquelles je comptais ne s'effectuent pas, mais bientôt... C'était ce bientôt qui lui fermait les lèvres. Il n'avait jamais pris un engagement sans le tenir, comme il n'avait jamais fait une promesse qui ne fût sincère. Quel engagement pouvait-il prendre? Quelle promesse pouvait-il donner quand il ne savait pas lui-même à quelle époque il serait en état de payer ses 50 000 francs? Bientôt, sans doute. D'un jour à l'autre, peut-être. Mais ce bientôt, il ne pouvait pas encore le traduire par une date précise. Il en était là quand un soir, en sortant de dîner chez Raphaël, le vicomte lui prit le bras et comme le jour où il lui avait offert ses 50 000 francs, il voulut le reconduire rue Tronchet. « Ne vous détournez pas de votre chemin, » dit Adeline qui aurait voulu échapper à l'entretien dont il se sentait menacé. « Il fait froid ce soir. »« Oh, j'ai affaire par là. »« Alors, marchons vite, » fit Adeline. Puis voulant donner une explication à ce mot qui était sorti de ses lèvres sans qu'il eût le temps de le retenir, « Nous nous réchaufferons. » Le vicomte marchait près d'Adeline, la tête basse, silencieux, dans l'attitude d'un amoureux qui n'ose pas risquer sa déclaration, ou plutôt d'un fils respectueux qui a une confession délicate à faire à son père. Enfin, il se décida. « Vous me voyez bien embarrassé, mon cher député. Il fallait bien qu'Adeline répondît quelque chose. « Avec moi ?»« Précisément, parce que c'est à vous que je m'adresse. Ah, si c'était un autre. Mais avec vous, pour qui j'ai une si haute estime, tant d'amitié, permettez-moi le mot, je suis tout confus. » »« Mais parlez donc, je vous prie, mon cher ami. » Cependant, malgré cet encouragement, il y eut encore un silence. « Pardonnez à ma fierté, dit-il. C'est elle qui souffre, honteuse de risquer une chose qui n'est pas correcte, et rien n'est moins correct que de rappeler un service qu'on a eu le plaisir de rendre à un ami. En un mot, il s'agit des 50 000 francs que vous avez bien voulu me faire l'honneur d'accepter il y a quelque temps et dont j'aurais besoin. » Il y eut une pause. « Oh, pas ce soir, se hâta-t-il d'ajouter en riant. Pas demain, mais dans un délai que vous fixerez vous-même, si toutefois cela ne vous gêne point. » L'embarras et l'humiliation d'Adeline étaient cruels. Et bien qu'il eût souvent pensé au moment où cette question se poserait, il n'avait point imaginé qu'il serait aussi pénible. « C'est à vous de me pardonner, dit-il. J'aurais dû, depuis longtemps, vous rendre cet argent, mais certaines circonstances se sont présentées. J'ai compté sur des affaires qui ne se sont point réalisées, sur des rentrées qui ne se sont point effectuées. Bref, j'ai attendu, mais puisque vous en avez besoin... » Le vicomte lui coupa la parole. « Je ne serais pas sincère, je ne serais pas digne de votre amitié si je ne vous disais pas comment ce besoin se produit. C'est mon excuse, si tant est que je puisse en avoir une. » « Je vous en prie. » « C'est moi qui vous prie de m'écouter. Vous savez combien je suis peu homme d'argent. Cela tient peut-être à ce que je n'ai pas de fortune, ce qui s'appelle une fortune assise. Mon père en a dévoré 3 ou 4, et moi-même, j'ai fortement entamé celle qui m'est venue de ma mère. Je comptais sur celle de ma tante du midi, mais vous savez comment elle est passée à ma sœur. Je vis de ce qui me reste, et il m'arrive assez souvent de me trouver à court, ce qui est mon cas présentement. Dans ces conditions, je serais bien aise d'augmenter mon revenu. Et comme justement une occasion se présente, en mettant quelques fonds dans une affaire excellente, de le tripler, de le quadrupler, l'idée m'est venue de m'adresser à vous. Demain vous aurez vos fonds, répondit Adeline, décidée à se procurer ces 50 000 francs à quelque prix que ce fût. Demain, cher monsieur, et qui parle de demain? Croyez-vous que je sois homme à user de pareils procédés? L'affaire dont je vous parle n'est pas faite, elle n'est qu'à l'étude, et il me suffit de savoir qu'à une date précise, celle que vous prendrez, j'aurai mes fonds. C'est là tout ce que je vous demande. Et jamais, faites-moi l'honneur de me croire, je n'aurai demandé davantage. Adeline respira. « Je vais étudier mes échéances. Demain, je vous donnerai cette date. Ou ce qui est mieux, je vous enverrai un billet. » Mais le vicomte ne voulut pas de billet. « Est-ce que dans son monde, on faisait des billets ? Un simple mot, cela suffisait. » Et puis tout à coup, s'arrêtant et changeant de sujet. « Une idée me vient, s'écria-t-il. Pourquoi ne feriez-vous pas vous-même cette affaire ? Quelle affaire ? La mienne ? Je n'ai pas de fonds libres. Pour vous ? Il ne s'agirait pas d'une mise de fonds, au contraire. Je n'y suis pas du tout. Je vous ai entretenu plusieurs fois de la nécessité de fonder un nouveau cercle, et je vous ai démontré de quelle utilité sera cette fondation à tous les points de vue. Cette idée ne m'est pas personnelle. Elle est dans l'air, et bien d'autres que moi l'ont eue, comme il arrive toujours pour les choses à point. Mais c'est une si grosse affaire que la fondation d'un cercle à Paris que je ne pouvais pas l'entreprendre tout seul. D'abord, il faut une autorisation, et je ne veux rien demander au gouvernement. Ensuite, il faut un gros capital que je n'ai pas. Vous imaginez-vous un peu quelle doit être l'importance de ce capital ? Pas du tout. Vous savez, je ne connais rien à ces choses. Eh bien, il faut près d'un million. Savez-vous que le jockey a 130 000 francs de loyer, le cercle agricole 90 000 francs, le cercle impérial 200 000 francs, la crèmerie 45 000 francs, les mirlitons 70 000? Au jockey, les gages du personnel coûtent 60 000 francs, au gainage 50 000 francs. Au jockey, la perte sur la table se chiffre par 40 000 francs, à l'union par 15 000 francs. Les frais de premier établissement ne reviennent pas à moins de 300 000 francs. Et cette somme ne suffit pas en caisse, car il faut que cette caisse ait un capital respectable sur lequel on puisse prêter aux joueurs. Le succès est là. Un joueur qui a 500 000 francs au comptoir d'escompte ou ailleurs ne tire pas un billet de 1 000 francs de sa poche pour jouer. Il emprunte à la caisse du cercle. Il ne faut donc pas que cette caisse reste jamais à sec, où la partie ne marche pas, et on ne va que là où elle marche follement. J'avoue sans honte que je n'ai pas ce million. Alors j'apportais à ceux qui veulent faire l'affaire et qui ne l'ont pas non plus, ce million, les fonds dont je pouvais disposer. C'est pour cela que je vous ai adressé ma demande. Mais maintenant je la retire et je la remplace par une autre. Prenez la direction de la fondation du cercle telle que je le comprends. Celui qui doit moraliser le jeu et pour sa part rendre à Paris sa vie brillante. Présentez la demande d'autorisation qui ne peut pas être refusée à un homme tel que vous. Soyez son président. Moi ? Parfaitement. Vous, Constant Adeline, connu par son honorabilité et la haute position qu'il occupe dans l'industrie, dans le commerce, dans la politique, et vous groupez autour de votre nom 500 personnes, il hésita un moment, cherchant son mot, fiers de votre initiative. Vous parliez l'autre jour de grandes affaires que vous vouliez entreprendre. Par le seul fait de votre présidence, elles viennent à vous, et vous n'avez pas à aller à elles. Dans la politique, vous êtes un centre, et on doit compter avec votre influence. Mais je n'ai rien de ce qu'il faut pour présider un cercle parisien, moi le plus provincial des provinciaux. Mais c'est chez les provinciaux que se trouve maintenant la première qualité qu'il faut pour présider un cercle à Paris. Laquelle ? L'honnêteté. Ce qui écarte bien des gens des cercles, c'est la crainte d'être volé. Quand on se met à une table de jeu pour son plaisir, on n'aime pas à faire le métier d'agent de police et à surveiller ses voisins. Avec un président comme vous à la tête d'un cercle, on aurait toute sécurité, et par cela seul, le succès de ce cercle serait assuré. Au jeu, on ne vole guère que là où l'on trouve des complices. Si j'ai celle-là, il me manquerait toutes les autres, quand ce ne serait que le temps. Il est certain que cette présidence vous prendrait un certain temps, mais pas autant que vous pouvez le croire. D'ailleurs, si on vous demandait quelques heures, ce ne serait pas sans vous offrir des avantages en échange. Ces fonctions sont rémunérées. Il y a des présidents qui touchent 3 000 francs par mois. C'est quelque chose. Ils étaient arrivés devant la maison d'Adeline. « Adieu !» dit celui-ci. Mais le vicomte ne lui permit pas de se dégager. « Donnez-moi encore quelques instants, » dit-il. « La proposition, je vous assure, mérite d'être examinée sérieusement. »